veux pas rentrer chez moi. Je me sens pas capable d'affronter ta présence, toucher ta peau. Je suis trop lâche, je voulais que ce soit pour toujours. Je me connais pourtant, c'est ça le pire, je savais que ça finirait comme ça. Comme si rien n'avait changé, alors que je me vois les faire. Comment pourrais-je cacher cette colère de t'avoir trompé, de me dégoûter à ce point, alors que je t'avais juré, alors que je m'étais juré. Pourrais-je avouer ma haine de moi, ma honte de moi, ma peine pour toi? Je ne sais pas où aller ailleurs. Je ne sais pas. Peut-être.